vas-y, balance le beat. Ha, c'est du bon ça. Monsieur Moods à la prod. Je retiens mille et un textes plus tard. Appelle-moi comme tu veux, comprends-le comme tu peux. Rester droit à mon éthique, sans équipe. Marre de vos saloperies, je rêve de voir heureux ces types. Leur rempart souillé par mille remparts, intellectuels ou financières. Merde, la vie se rempart, m'espère. Combien laisse agir le temps sans repère. Rêve qu'on s'en sort, mais en fait s'enterre. Sur leur droit à la vie, à ton avis, ça profite à qui lorsque l'homme honnête reste sur ses acquis, acquitte ses dettes, contractées sur des décisions pas prises. Elle se console sur un normal, c'est la crise. La nuit, les dents qui crissent, le jour, la vie qui suit. Un chemin sans issue, ce qui fait qu'on crise. Un esperverti, hyperactif du monoprix, commissaire priseur, adjugé à la connerie. Mais couper le temps. Au fond, cautionner c'est laisser faire. Laisser faire n'est laisser dire et sache-le. Pour s'en sortir c'est nécessaire. Mais ceci dit ça reste une vision adaptée au récit. Ça te regarde si tu souhaites échouer ce récif. Homme à la mer, mer à la gère. Puisque merde à la mer, vague à l'énerve. Balaye la terre en feu. Tremblote un peu, secoue des gens déjà si malheureux. Est-ce une coïncidence, pas de relation au système art par hasard. L'AZERTY tape assez eux, les gens trop blasés. T'en cause un peu, là ça te captive. Parce que ça swing un peu, mais si tu coupes, t'entends passer les bleus, passer le cap. Serait de percer les yeux, l'écran du capital formate le jeu. Jouer la vie est malicieux, j'en doute, pour ça que je reste précis. J'écris un maximum frangin, le temps c'est précieux. Y'a rien de concluant, triste parfum dansant, coupable de la mort des gens. Découper le temps, y'a rien de concluant, triste parfum dansant, coupable de la mort des gens. Y'a rien bien concluant dans cette affaire. En gros, faut tout casser et puis tout refaire. Vive le monde, pas se laisser faire par une bande d'allumés alliés de Lucifer. Regarde leurs films, leur mode, leur monde au-dessus du monde. Flippant, n'est-ce pas? Panestique, pas comme les autres. Alors, quelle autre ordure les amener là? Amener là, au bûcher cette vermine là. Pour que ça se termine là, au bout de ma mine et qu'elle ne resserve pas. Qu'elle ne resserve pas. Mais coupez le temps, y'a rien de concluant. Triste parfum dansant. Coupable de la mort des gens. Découper le temps. Y'a rien de concluant. Triste parfum dansant. Coupable de la mort des gens. Découper le temps. Y'a rien de concluant. Triste parfum dansant. Coupable de la mort des gens. Découper le temps. À la prod, beatmaker and co, Sky Mike, papi, ha.